préfère les pastas du Veramente. Je préfère la mozza et l'estampille. D'un petit bistrot qui sent bon l'Italie. Et chaque fois que j'ai besoin de chaleur, je m'embarque vers le pays du voleur. Grazie mille, pour l'amitié et le sourire. Grazie mille, pour nos éclats de rire. Grazie mille, pour le bal des tagliatelles. Et attrapons-nous la main pour lancer la tarentelle. Attrapons-nous la main pour danser la tarentelle. Ça va être un moment sublime. Sublime pourquoi ? Parce que c'est Karen Neuville qui va nous interpréter deux tangos sublimes. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, c'était deux tangos sublimes. Eh bien, ces deux tangos sublimes vont laisser la place à la valse à Chinou. Dans un petit bistrot de banlieue parisienne, il y avait le barman Chinou. Le barman versait quelques verres et lui tient nous. Nous tournait une valse bien de chez nous. C'est la valse à tient nous de chez nous. Quand il joue, on est joue contre joue. Que c'est bon de valser comme des fous. C'est charmant de danser entre nous. Il la joue dans les bals et les fêtes, accompagné par Bravo Musette. On écoute les chansons, les fonflons, on frissonne devant Madoréon. C'est la valse à Tienou de chez nous. Quand il joue, on est joue contre joue. C'est bon de valser comme des fous. C'est charmant de danser entre nous. Il la joue dans les bals et les fêtes, accompagné par Bravo Musette. On écoute les chansons, les flonflons, on frissonne devant l'accordéon. Cette valse qu'on écoute à Pigalle, mais aussi dans les guinguettes des bords de Marne. C'était à voyager, il est arrivé de Pigalle à Paris dans le Berry. C'est la valse à Tienou de chez nous. Quand il joue, on est joue contre joue. Que c'est beau de valser comme des fous. C'est charmant de danser entre nous. Il la joue dans les bals et les fêtes, accompagné par Bravo Musette. On écoute les chansons, les flonflons, on frissonne devant l'accordéon. Petit groupe, ils se prénomment les Troubadours des Bruyères et ils vont nous interpréter Reine des Champs. Dans la plaine, garder son troupeau en chantant, contemplant la belle titine et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, fleur du printemps,

arrache les bois de la fille du Mexique et ses habits, les mariachis lui disent adieu avant que ne quitte le pays. C'est au Texas, à la frontière juste en face, que de Dolores va perdre sa jeunesse. Pour $2, elle va chanter dans les bars, car l'Amérique aime les filles du Mexique. Adios Dolores, jeune princesse, en croisé doigt dans la hacienda. Adios Dolores, jeune princesse, quelle tristesse. Adios Dolores. On croise le doigt dans la hacienda. Adieu Dolores, jeune princesse, quelle tristesse. Adios Dolores. L'Auvergne ou Limousin, regarde les ciels quand passent les cigognes. Elle nous ramène ses joyeux refrains. À l'air de printemps ravive la nature. Le bonheur est enfin chez nous de retour. Les amoureux vivront leurs aventures. La valse Miss de France, leur chanson d'amour, tournée en cadeau, on sait. C'est la valse de France, c'est la plus jolie danse, celle bien sûr que nous préférons, avec raison, on sait. Sur un air de vacances, cette valse de France, et du cœur d'un accordéon. C'est la valse de France, c'est la plus jolie danse, celle bien sûr que nous préférons, avec les enfants, sur un air de vacances, cette valse de France, vient du cœur de la cour. Comme le ciel, belle comme le ciel, haha, et troubadour, mon ami. Eh bien, c'est Nicole Bergès et François Pipet qui nous l'interprètent. Le ciel qui s'accolerait entre ses doigts. Belle comme les blés, quand un été n'en finit pas. Belle comme l'aurore qui s'évapore au-dessus des toits. Lorsque la brume il descendra, belle comme le soleil qui se réveille quand il s'en va, belle comme les couleurs que font les fleurs entre ses bras. Je suis un dieu, je suis un roi. Et je suis un sa main. Au troubadour comme autant d'autres fois, ce musicien pour moi c'était le roi. Sur toutes les routes et sur tous les chemins, sourire aux lèvres, il tendait la main. Petit bonhomme avec plein sa musette, que des musiques, des airs plein la tête. Il a joué le verre. Bruyère parisienne, et sans retour au champ, la France est paysanne. Et la belle Omaya s'envole cœur auvergnat, et bien sûr la Cadix, où se nombreux amis. Tout va de bonne nuit. C'est peut-être dimanche musette, mais pourquoi pas un petit air de reggae avec l'orchestre de Dominique Allan. Pour des raisons techniques, vos dédicaces doivent impérativement nous parvenir au plus tard le jeudi avant 10h pour une diffusion le dimanche suivant. Merci de votre compréhension. On termine dimanche musette avec Jérôme Robert et un grand, grand, grand merci. Voici une jolie valse pour vous dire merci tout simplement. Le final, on a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. C'est vous comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous, maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci, merci pour l'amour et la joie dans les cœurs. Merci, merci, c'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à vous que l'accordéon vivra longtemps. On vous dit merci, à bientôt, très bientôt sûrement. Allez, valser, encore et encore. Merci, merci, c'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à bientôt, très bientôt, sûrement. C'est grâce à vous que l'accordéon vivra longtemps. On vous dit merci. À bientôt, très bientôt, sûrement. Hey ! Merci à vous, merci, merci. Dimanche Musette, c'est sur Sorgia FM, bien sûr. Voilà, ça c'est terminé. On prend tout de suite le chemin de la deuxième partie de cette émission avec Alain Morisot, Vole, vole, mélodie d'amour. Quelque part dans la grande ville, un oiseau blanc s'est posé, mais la foule qui défile passe sans le regarder, sans savoir qu'entre ses ailes va très fort le cœur d'un musicien qui, pour l'amour de sa belle, vient de traverser le ciel pour lui chanter ce refrain. Oh,

moitié velours, moitié dentelle. Toujours cruelle et cependant, c'est une lady, lady elle. C'est une femme, tout simplement. On va retrouver une chanteuse qui était jeune à l'époque. Elle est toujours jeune d'ailleurs. Elle s'appelle Elsa. Quelque chose dans mon cœur, c'est une découverte. Ça, c'est le charmeur italo-belge, Franck Michael entend ma voix. C'est pour toi que que j'avais écrit cette chanson et je te la chante encore. C'était mon tout premier refrain, incertain, mais tu l'aimais bien. Souvenir d'un temps passé où nous étions tous les deux, aussi loin que tu sois, il lui reste encore un peu de toi. Entends ma voix sur un écho des jours heureux. Écoute-la comme si c'était la première fois. Entends ma voix qui tangue et pour ne pas mourir. Elle chante encore et quand bien même toi tu m'oublies. Il est des amours secrets qu'on oublie avec quelques regrets. Il est des amours chagrins qui vous tuent comme jusqu'à la fin. Je n'avais qu'une guitare et des illusions. Toi seul criais mon nom. Il ne suffisait que d'un peu de soleil pour nous rendre. Aujourd'hui, que la vie peut m'offrir tout ce que je veux. C'est vrai qu'on me sourit, mais il me manque un point de cirque. Entends ma voix sur un écho des jours heureux. Écoute-la comme si c'était la première fois. Amour secret qu'on oublie après quelques regrets. Il est des amours chagrins qui vous tuent le cœur jusqu'à la fin. Entends ma voix sur un écho des jours heureux. Ça en est un autre, d'Italo-Belge. Eh oui, mais celui-ci s'appelle Fredo, Frédéric François. À tous ceux qu'on aime, ça, c'est beau. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier sans cœur. aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants. Simple geste et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants. Dans le cœur de ma blonde, ça va vous rappeler quelques bons petits souvenirs. Georges Guettari. Dans mon cœur, posé sur le cœur de ma blonde, dans mon cœur, je viens d'entendre à la seconde, dans mon cœur, la plus jolie chanson du monde, celle que ma blonde a dans son cœur. Dans son cœur, la mélodie tourne et s'envole vers mon cœur, pour devenir la chanson folle de nos cœurs. Et nous inventons les paroles que l'on chante à deux sous le ciel bleu. La la la, la la. De ma belle dent, mon cœur vient de glisser dans un bruit d'aile. Dans mon cœur, le bleu d'un vol de tourterelle, celui que ma belle a dans son cœur. Dans son cœur, dont la mélodie vagabonde vers mon cœur, passé se faufile à la ronde. Dans les cœurs de tous les amoureux du monde qui chantent joyeux sous le ciel bleu. La la la, la la la, la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Dans le cœur d'un vaisseau lancé dans l'espace, dans le cœur d'un char de feu qui se déplace, dans le cœur de l'infini qui dépasse un homme qui passa dans son cœur. Dans son cœur, une petite chansonnette que le cœur d'une

d'arbre j'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée majestueux. Dans ses racines j'ai puisé la sève des grandes traversées. Et mon pays, je l'ai trouvé dans tes yeux. Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. C'est la pause. J'ai fait grandir tout mon feuillage, j'y ai mis mes enfantillages, et nos enfants de tous les âges, merveilleux. J'ai fait durcir un peu l'écorce, pour nous donner le cœur, la force, de voir la vie et ses entorses. Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. C'est la pause. On a bâti notre cabane, nous petits dans tes bras de liane. À l'abri, tu berces mon âme avec eux. Sous mon arbre, on se balance. Ensemble, on retrouve les jolies choses. Oui, sous mon arbre, on se balance. C'est grandiose. C'était dans le temps. Eh oui, parce que là, en ce moment, la fête au village, eh bien, on va juste l'écouter en musique. Je t'emmène à la fête au village, entrons dans la toile de Bruegel, danser la mazurka paysanne sur l'accordéon de Ségurel. Attablé à l'ombre des platanes, écoute chanter les paysans devant un pichet de vin de sable, de Jurançon ou de Madiran. On rencontrera peut-être Jean d'Amestoy et Ripou, qui s'éclatent en jouant les troubles fêtes dès qu'ils ont bu un petit coup. Au tir à la carabine, il y a des chouettes à tirer. Et un voyage en Égypte à gagner à la bourriche des pompiers. Je t'emmène à la fête au village, entrons dans la toile de Bruegel, danser la mazurka paysanne sur l'accordéon de Ségurel. Attablé à l'ombre des platanes, écoute chanter les paysans devant un pichet de vin de sable, de Jurançon ou de Madiran. Viens voir la course landaise, tiens la cocarde est pour toi. Et si tu as peur sur les autotampons, allons applaudir l'Orphéon. Écoute, c'est une valse, j'ai envie de la danser. Attention, accroche-toi bien aux branches, car on va bientôt décoller. coller. Je t'amène à la fête au village, entrant dans la toile de Bruegel. Danser la mazurka paysanne sur l'accordéon de Ségurel. Attablé à l'ombre des platanes, écoute chanter les paysans devant un pichet de vin de sable, de Jurançon ou de Madiran. Des bidas se bagarrent à coups de barbe à papa. Le bec du village rit aux éclats, debout sur les chevaux de bois. Les gendarmes, braves couples, offrent à boire aux musiciens. Et les gamins lancent des confettis, des pétards et des serpentins. Je t'emmène à la fête au village, entrant dans la toile de Bruegel. Danser la mazurka paysanne sur l'accordéon de Ségurel. Attablé à l'ombre des platanes, écoute chanter les paysans devant un pichet de vin de sable, de Jurançon ou de Madiran. Les fêtes de nos campagnes fleurent bon les rites païens. On les doit au sein du calendrier, chaque dimanche que Dieu fait. Pour moi, quel cas de conscience, à vous, monsieur le curé. Tout en trinquant avec l'instituteur, la factrice et le boulanger. Je t'emmène à la fête au village, entrant dans la toile de Bruegel. Danser la mazurka paysanne sur l'accordéon de Ségurel. Attablé à l'ombre des platanes, écoute chanter les paysans devant un pichet de vin de sable, de Jurançon ou de Madiran. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est spécial, mais vous aurez compris que ça a son charme. La Madelon, par le groupe Chanson en bar. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle au fond le sang je pend, et chacun lui raconte une histoire. À sa façon, la Madelon pour nous n'est pas célèbre. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en guépi de fantaisie s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon. Chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. chant du gardien. Eh oui, et c'est un Pyrénéen qui nous la chante, celle-ci. Ah, comme quoi. Là-bas, au bout de l'horizon, j'entends venir une chanson qui chante au soleil de Camargue. Ce refrain beau et profond, c'est le chant d'un gardien de Camargue. La dia, puis il vous prendra dans ses bras. Votre cœur dira oui à mes gardes, et alors votre cœur sera pris, car le chant. Gardez vos belles fermement le chant d'un gardien de Camargue, c'est l'adieu pour un amant, c'est le chant d'un gardien qui s'attarde. Là, c'est une version que j'ai trouvée, en tout cas moi, assez cocasse, assez belle. C'est une interprétation de L'Oiseau Blanc. L'Oiseau Blanc, je vous laisse apprécier. On en reparle si vous voulez. Deux aviateurs conscients dans le projet, au printemps. Alors, qu'en pensez-vous de cette version de l'Oiseau Blanc ? Ah, bien sûr, ce n'est pas notre ami Éric Colomb et Hubert Ledent qui nous l'ont interprétée. Mais comme je vous l'ai dit, elle avait son charme. Elle a son charme. On termine cette émission dimanche musette, dimanche variété. Avec Luc Louis, c'est pour toi que je chante. Que je chante cette chanson d'amour, un cœur qui se lamente et qui t'aimera toujours. J'ai voulu te l'écrire en pensant qu'un beau jour tu daignerais sourire et m'aimerais en retour. Je n'aimerais qu'une fois dans ma vie, c'est pour toi que je chante aujourd'hui. Je n'aimerais qu'une fois dans ma vie, c'est pour toi que je chante ma jolie. Ma chanson, oui, écoute, je t'en prie.